moi. Ah bah ouais. Ah ouais. J'voyage vraiment, j'regarde story. Quelques billages pour m'évader. Début de soirée, j'suis déjà bourré. C'est peut-être pas ça la vie que j'voulais. Mais j'fais des sous et de la moula. Donc s'élève, me suce, ça tout va. Pas d'amour ici, j't'entretiens, j'te baisse. C'est 50-50, tu veux le jet de Fendi Gucci. En tant que la snap me certifie meilleure passion. Pire des métiers, pas de garçon dans le revêt, s'il te plaît. L'alcool fait déjà plus trop d'effet. L'alcool fait déjà plus trop d'effet. J'suis dans l'direction, fumant tout seul. J'prends mon paxon pour une boussole. J'suis dans le club, la pute me snap en scrap. Pour gratter quelques gemmes, t'es trop en retute. Mal appris son passe, dire mon blast comme manger. Avec comme snitch, un massif carcerin. Un assigne, j'passe mon chemin devant les flics. La pute est londonienne, devant si j'parle anglais. J'dis little bitch, calage remplace le tronc du sapin de Noël. Rien dans les mollets, tout dans la cervelle. Bang bang, j't'offre une classe pas de l'éternel. Sunday, sur mon Vénus, je fais merveille. All day, sénégalais comme chèque. Semi AK dans le break, diamant de sang sur la Daytona. Quand ça va pas, j'fais des signes de croix. Dance, dance, dance. Banks, banks, banks dans le sex, sex, sex, son grrr. Dans le break. Banks, banks, banks dans le sex, sex, sex, son grrr. Hosseka dans le break. Dans le sa grand-mère et sa mère aussi. Fuck you, pay me. Tellement d'ennemis. J'suis sous tout ce qui est noir et terni. Mettre les berlines. Brum brum vers la mort sans permis. Police persiste. Négro dealer on IRSIS. J'suis un étranger, j'rentre pas chez moi. J'm'installe chez toi, j'fais du chocage. J'paye mes impôts, 30 000 euros. Tu profites mon bénéfice. Viens qu'on se termine. J'suis sous ton père, te drôle ici. Pas de prérequis. Soit tu baises aussi. Fuck le rétro, j'avance tout droit. Number uno avec mes droits. Négro, fuchsia, tricha. Tout ça pour pouvoir compter les chiffres. J'vois sur France 2, j'gagne les victoires. J'dis que des mères et des ménagères. Producteurs en indépendant, j'profite de mes bénéfices.